Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre émission nationale catholique mensuelle que vous pouvez retrouver sur le réseau social Gab. Vous tapez Oremus officiel et vous nous trouverez. Et aujourd'hui, nous allons parler déjà un petit peu des Juifs pour commencer, et après on parlera un peu de faits de société. Avant de commencer, vu que c'est la première émission, je suis obligé de vous demander un petit service à tous. Si vous appréciez le podcast, si vous appréciez son contenu, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux, à vos amis, sur Signal, Telegram, Facebook, ce que vous voulez, YouTube, aucun problème, il n'y a pas de droit d'auteur. Si vous voulez en plus nous créditer, bah tant mieux, si vous ne voulez pas, bon bah écoutez, tant pis, mais vous avez le droit. Sur Gab aussi d'ailleurs, profitez-en pour partager l'émission à peu près à tout le monde. On va commencer par la présentation de nos membres, puisque aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné par deux intégristes sympathiques. Je vais commencer par Dédé. Dédé, est-ce que tu as passé de bonnes fêtes de Noël et comment ça va ? Ave à tous. Merci de m'inviter à cette émission qui débute et j'espère qu'elle durera longtemps. J'ai passé d'excellentes fêtes de Noël, une bonne fête de la Nativité. Voilà, en famille. C'était vraiment très bien. Merci. Et je suis aussi accompagné par un autre intégriste tout à fait sympathique aussi, Adoc, pareil, hein, comment as-tu passé ces fêtes de Noël et comment est-ce que ça va ? Salut Bobby, salut Dédé, écoute, je te remercie, j'ai passé des très bonnes fêtes de Noël, en famille aussi, et tout va bien, je suis très content d'être avec vous. Alors Dédé a une compétence, on va dire, un peu particulière sur le fait de faire des vannes aussi, il va sûrement s'exercer un peu dans l'émission. Et aussi, Adoc a la compétence de me reprendre sur la doctrine lorsque je m'égare un petit peu trop. Donc, voilà, deux compétences particulières. J'espère qu'Adoc aura assez peu l'occasion de s'illustrer. Ça veut dire que j'aurai pas trop dit de conneries. On verra. On verra si j'ai pas trop à te recadrer. Ouais, ça peut m'arriver, hein. Vous savez, une vanne en entraînant une autre. Écoutez, je vous avais promis un premier sujet sympathique. Les Juifs, plutôt un Juif en particulier. On va parler de Gad Elmaleh, d'accord ? La Chutzpah de Gad Elmaleh. Hein, Chutzpah, qui s'écrit Chutzpah, je vous renvoie au livre d'Herverissen, ça veut dire le culot juif. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Gad Elmaleh ? Vous l'avez peut-être entendu. Gad Elmaleh prépare un film, enfin, il est sorti d'ailleurs, un film français que je n'irai pas voir parce que c'est un film français, donc c'est sûrement de la merde. Un film qui parle de sa pseudo-conversion au catholicisme, d'accord ? Pseudo-conversion parce que on va y revenir durant l'émission, mais la conversion de Gad Elmaleh n'existe qu'à travers l'écran. Dans la réalité, on peut toujours attendre. Alors, il fait tout un foin sur cette pseudo-conversion. Il en parle beaucoup sur tous les plateaux télé. Ce qui est vrai, c'est que Gad Elmaleh a une dévotion particulière envers la Sainte Vierge Marie. Ça, c'est vrai. Là, je peux rien dire. C'est une réalité. Ce qui est moins vrai, c'est qu'il n'est pas du tout en train de se convertir au catholicisme, ou alors c'est vraiment la Chutzpah, l'intérieur de la Chutzpah, en fait, c'est Inception, en fait, sa vie. On va en parler dans l'émission. Il se fait une promo pas possible à travers tout un tas de déclarations polémiques sur les plateaux télé, favorisant, en fait, sa pseudo-conversion qui est irréelle, et beaucoup de chrétiens un peu naïfs, qui croient toutes les déclarations qui sont prêchées sur les plateaux télé, tombent dans le panneau, en fait, et Gad Elmaleh en profite pour faire une promo qui a très bien marché, en fait. D'ailleurs, sur ce point-là, sur ce plan de la communication, ça a très bien marché, parce que son film, qui est un film d'auteur français à petit budget, arrive à avoir une audience qui est quand même beaucoup plus grande que n'importe quel film d'auteur de cet acabit. Donc voilà un peu le pitch. Comme ça, à chaud, est-ce que vous avez déjà une réaction à proposer ? Mais pour commencer, on ne sait pas trop hein, au niveau de sa conversion. Comme tu dis, même la dévotion à la Vierge Marie, il n'y a que le seul bon Dieu qui peut scinder les reins et les cœurs, quoi. Donc on va aussi mettre ça dans la partie hypothèse, mais tout est possible. Je rejoins Dédé sur les doutes. On ne sait pas, absolument pas, si c'est vrai ou faux. Je pense qu'il ne faut pas être trop sévère et pas s'imaginer que c'est uniquement de la com, mais il faut rester méfiant. À vrai dire, moi, je suis même étonné des gens qui prétendent se convertir, même s'il n'a pas en fait une profession de foi très précise. Ici, sauf erreur, il n'est pas encore baptisé. Moi, je m'étonne que le modernisme convertisse encore, étant donné qu'ils ont l'air de croire que tout se vaut. Alors effectivement, moi je ne sais pas si la démarche de Gad Elmaleh est sincère. J'ai de sérieux doutes parce que l'info publique, en fait, c'est qu'il n'a pas, il n'est pas baptisé, d'accord? Il n'a pas accès au baptême. Est-ce qu'il a demandé le baptême? Bon, peut-être. Ça, je ne sais pas. Écoutez, on verra. Ce qui est certain, c'est que, par exemple, récemment, il a rencontré le pape François, d'accord? Donc, on rencontre quand même. Un chef d'État officiel, d'accord? C'est pas n'importe qui, on peut pas. Le pape François, qu'est-ce qu'il y connaît au film de Gad Elmaleh, à ce qui se passe? Rien. D'ailleurs, le pape François, il maîtrise assez mal, en fait, la langue française, hein, dès qu'il a, si vous connaissez un peu, dès qu'il a l'occasion de basculer sur de l'anglais ou de l'italien, ou de l'espagnol, sa langue maternelle, il le fait pour esquiver la langue diplomatique officielle qui est le français. Donc le livre, pardon, le livre, le film de Gad Elmaleh, il l'a pas vu, et donc c'est pas trop ce qui se passe derrière. Mais Gad Elmaleh donc se rend en visite officielle chez le pape, il fait des photos, et en fait les deux seules photos qui sortent, c'est une photo où il est en train de parler avec le pape et justement d'ailleurs l'intendant du pape qui est aussi son traducteur, voilà. Et la deuxième photo, c'est il pose avec l'affiche du film. Avec le pape. Donc, il se sert du pape pour faire une sacrée promo. Bien sûr, ça marche parce que on s'est dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Alors, je mettrai en extrait sonore un petit morceau de la bande-annonce du film de Gad Elmaleh. J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux là? Tu veux pas te convertir au catholicisme? Mais c'est quoi ça? J'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec le doigt. Tu changes de Dieu, tu changes tes parents, fais-toi adopter. On n'a pas envie de te perdre. Je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie. Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la paix. C'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est que de perdre un fils. Pourquoi tu ne fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs-là? Tu t'achètes une voiture de sport très basse, tu tapes une petite nana très haute et tu arrêtes de nous emmerder. La maison juive, tu peux chercher la sortie, personne n'a jamais trouvé. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas vu le film, donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de conversion finale à l'issue du film, d'accord? Il met pas en scène ce genre de choses. Il met en scène sa famille qui a des doutes, qui commence un peu à avoir des réactions hostiles parce que Gad Elmaleh se dit « Ah, je suis intéressé par la Vierge Marie, le catholicisme, etc. » Sa famille juive, bien sûr, n'apprécie pas tellement. D'ailleurs, d'un point de vue purement politique, dans sa communauté, il y a déjà deux rabbins là, francophones assez connus, enfin assez connus des juifs en tout cas, des juifs francophones, qui ont déjà montré des réactions très hostiles à l'encontre de l'initiative de Gad Elmaleh, qui lui disent très clairement, mais ne te convertis surtout pas, ne fais surtout pas ça, te rends compte, le catholicisme, le christianisme en général, c'est nos ennemis, c'est la haine, etc. Salut Gad. Dernièrement, on entend des messages que tu dis dans les plateaux à haute écoute concernant le christianisme. Certains disent que c'est une nouvelle blague, c'est pour la promotion de ton nouveau film, que c'est un grand fake news. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clair que ça peut influencer des personnes juives comme toi de vouloir épouser ou se rapprocher du christianisme. Or, ça, c'est une chose que le judaïsme n'accepte pas. Les curés, les apôtres ont vu. Non, on essaie de faire disparaître le peuple d'Israël. On refait des pogroms, des autodafés, des massacres. Mais ils sont toujours là. D'accord? Même une fois, on a mis sur la tête, ils sont toujours là. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelque chose de diabolique. Ils ont dit Dieu va laisser exprès, de façon anormale, le peuple juif, dans l'éternité, survivre, mais dans la souffrance de l'exil. Pour montrer aux nations, regardez comment Dieu châtie, punit les méchants juifs qui ne reconnaissent pas JC. Diabolique. Ça permet, un, de justifier notre éternité. Deux, ça permet de nous taper dessus. Après tout, on n'est que la main longue du Seigneur pour aller taper sur les juifs qui ne reconnaissent pas JC. On est ici combien? 8, 9 millions de juifs. On n'est pas convertis. Bien qu'il y a plein de missionnaires partout, chrétiens, qui essaient de convertir. Allez les missionnaires, soyez gentils. Allez convertir, ça ne manque pas. En France, tu as très peu de chrétiens pratiquants. Allez convertir eux. Pourquoi venez-vous nous convertir nous? D'accord? Ça va, 2000 ans de souffrance. Si, Gad, déjà tu veux être idolâtre, d'accord? Parce que, comme explique Maïmonide dans le chapitre 12 des lois sur la cacheroute, il dit que la chrétienté, c'est de l'idolâtrie. D'accord? Tu veux être idolâtre? Moi, je t'aurais dit, bah, va peut-être sois bouddhiste. ou d'autres idolâtries inoffensives. Il faut bien que tu comprennes que lorsque tu rentres dans une église et comme tu dis, toi tu rentres pour te recueillir, méditer et prier, il faut bien que tu comprennes que tu rentres maintenant dans le temple de l'organisme qui a fait le plus de massacres au monde, l'organisme religieux on va dire, qui a fait le plus de massacres au monde, que la Vierge Marie pour laquelle tu as un coup de, le plus beau coup de foudre, d'accord, elle et son fils sont les personnes pour lesquelles on a tué le plus de monde au monde. Peut-être commencer d'ailleurs là-dessus. Finalement, le plus intéressant, c'est même pas Gad Elmaleh en lui-même, parce que Gad Elmaleh, et d'ailleurs je rejoins ad hoc là-dessus, Gad Elmaleh c'est un juif, d'accord, dans le sens où il appartient au peuple juif, mais surtout un juif de gauche, d'accord. Dans son film, il met en scène par exemple la femme rabbin, vous savez c'est qui, est surtout les plateaux télé, la femme rabbin, donc un truc pas possible. Et donc effectivement, judaïsme, catholicisme, moderniste, tout se vaut, en fait, dans la tête de ces gens-là. Tout est égal à tout. Bon. Je pense que le plus intéressant, c'est de s'intéresser à sa communauté. Peut-être parler un peu du Rav Twitou, d'accord ? Le Rav Twitou, le rabbin Twitou, qui a fait une déclaration assez hostile envers Gad Elmaleh. Il lui dit, bah, très clairement, si jamais tu commences à mettre un pied là-dedans, tu vas sortir du judaïsme, tu vas pas être un juif catholique, tu vas devenir un ex-juif. Tu vas vraiment sortir du judaïsme avec des menaces à peine voilées. Mais surtout que tu ne te retournes pas vers une autre religion, ce qui est un coup dur, ce n'est pas avoir un esprit obtus ou un esprit fermé d'agir ainsi. C'est tout simplement qu'ici, il y a des interdits extrêmement graves de la Torah à l'assimilation. Mais que tu incites les autres à te suivre dans ce que tu veux vivre, c'est contraire à la Torah. Et il faut savoir qu'il est strictement interdit, selon le judaïsme, pas simplement de rentrer dans une église, bishul goy ou gam asur, de manger de ce qu'aurait cuit un non-juif, est aussi interdit par la halakha. D'épouser une non-juive est aussi interdit par la Torah. De l'autre côté de la caméra, si cette vidéo vient à toi, je voudrais simplement te dire que ce que tu fais est extrêmement grave, parce que tes vidéos incitent et mettent le doute et ouvrent une parenthèse dans l'histoire à l'image de Shabbatai Tzvi, et bien d'autres personnages qui ont essayé d'assimiler le peuple et d'emmener vers sa perte. Et on se rend compte que finalement, ces supérieurs religieux se comportent vraiment comme des sectes. Alors qu'ils nous accusent, nous, d'être sectaires, eux se comportent comme une secte. On ne peut pas quitter le judaïsme selon leur dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que on a vu là, dans ces deux vidéos là, finalement la haine et la répulsion qu'ils avaient envers nous, même s'ils disent bien... Ah, attention, on n'a plus pas à brûler des églises, on n'a pas de haine envers le catholicisme. Mais c'est quand même intéressant de voir leur réaction, surtout l'autre Rav là, qui parlait, qui disait « quitte à te convertir à un rite idolâtre, tu aurais pu te choisir le bouddhisme ou autre, mais pas le catholicisme, pour deux volets ». Bah, déjà, il parle des vexations que les juifs ont subi pendant des siècles de la part des chrétiens, mais surtout, est-ce que le christianisme prétend être la nouvelle Israël, prétend les remplacer, contrairement à ce que disent les païens, pour un catholique, pour un chrétien, c'est pas le christianisme qui est issu du judaïsme, mais l'inverse. Alors, évidemment, pas chronologiquement, mais dans l'ordre de la fin, c'est-à-dire que le judaïsme a été fait pour permettre l'arrivée de notre Seigneur, et donc, la nouvelle alliance, donc le catholicisme, n'était qu'un accessoire, en quelque sorte. Donc, c'est normal que ces gens-là aient une plus grande hostilité envers le catholicisme qu'envers les autres cultes qu'ils appellent idolâtres. D'ailleurs, ils détestent hein, ce genre de constat. Hein. Le fait que, vous savez, le peuple élu, vous vous rendez compte, là, l'expression peuple élu, nous, les juifs, nous sommes... On n'est pas n'importe qui, nous sommes des gens importants. Et puis en fait, d'un point de vue catholique, quelle est la constatation que l'on doit faire ? C'est, bah écoutez, le judaïsme, c'était finalement, ça n'a eu lieu qu'un temps. C'était un accessoire, comme tu l'as dit. Le peuple élu, il n'y a plus lieu d'être, quoi. C'est-à-dire que tout s'est passé maintenant, il y a 2000 ans, et le judaïsme, non seulement il est caduque, d'accord ? D'un point de vue purement doctrinal, il est caduque, mais il est aussi absurde. Et ça, en tant que juif, ils ne supportent pas cette critique-là. Parce que ça les rabaisse, en fait. Il n'y a plus, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Vous vous rendez compte de la part des gens qui fondent leur doctrine sur le fait d'être un simple peuple élu, c'est un choc pour eux, c'est une révolution. Oui, alors on pourrait ajouter que ethniquement, donc ces gens-là se battent pour retrouver un gène juif qui serait commun aux différents peuplements, de juifs, parce que ils ont une conception matérielle de leur propre judaïté, puisqu'ils sont censés en hériter par leur mère. Alors, c'est pas notre conception, hein. Nous, on considère que déjà le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament n'avait pas d'unité ethnique, parce qu'il n'était pas voué à se maintenir après la venue de notre Seigneur, contrairement aux autres peuples qui ont besoin de ce substrat génétique qui leur donne une certaine cohérence, une certaine homogénéité. La fin de ce peuple était différente. Elle a été maintenue artificiellement par la main de Dieu, mais elle n'était pas vouée à subsister après la venue de notre Seigneur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit qu'il y a des peuples, très différents. Alors, je rebondis justement sur ce que tu viens de dire, Adoc. C'est sûr que si on regarde la différence génétique entre Éric Zemmour et Benjamin Netanyahou, enfin, il suffit de mettre deux photos côte à côte, on se rend bien compte qu'il y a quand même un écart, d'accord. Alors, il y a un lien, d'accord, mais il y a aussi un écart. Et ça serait quand même assez malhonnête de le nier. C'est pas juste une séparation géographique entre les Ashkénazes de l'Europe de l'Est et puis les Séfarades d'Afrique du Nord. On voit bien quand même génétiquement, il y a des choses qui les séparent. Et d'ailleurs, à l'intérieur de l'État même d'Israël, il y a une sorte de guéguerre interne qui s'opère entre ces deux communautés. Il y a une autre tendance étonnante, c'est que pour, gagner le combat démographique contre les Palestiniens, en revanche, parfois, ils vont chercher des gens en Afrique qui ont des cultes qui leur paraissent issus de la tradition juive, et ils vont aller chercher des Africains pour essayer de compenser, de concurrencer les Palestiniens. Donc, une fois de plus, tu parlais tout à l'heure de Gad Elmaleh qui était un juif de gauche. Il faut faire toujours attention et voir qui parfois fait pas l'unanimité chez les juifs. Ils sont quand même très divers aussi. Bah, notamment dans leur politique intérieure. Là, tu fais référence aux juifs éthiopiens qui sont installés en Israël, qui ont été amenés parce qu'en fait, ils avaient besoin de main-d'œuvre, d'accord. Je grossis un peu le trait, d'accord. On va faire simple. Ils avaient besoin de main-d'œuvre, et c'est sûr que si vous essayez de construire un pays avec que des intellectuels et des violonistes, ça pose souci, quoi. Il faut aussi des gens qui aillent sortir les poubelles, faire des choses comme ça, quoi. Alors, je sais que le travail rend libre et que les juifs n'aiment pas forcément beaucoup suer, d'accord. Enfin, en tout cas, c'est ma position personnelle. En tout cas, ils avaient besoin de ces gens-là. Et quand il y avait un gouvernement de gauche, ou en tout cas de centre-gauche, comme c'était le cas en fait, centre-gauche selon les critères israéliens, hein, parce que vous savez, la droite traditionnelle israélienne, si vous la transposez par rapport à la politique française, on a un truc d'extrême ultra giga droite en fait. Donc par rapport à leur politique nationale, lorsque la droite, la fameuse droite israélienne, est arrivée au pouvoir, eux, ils ont vu les choses d'un angle bien plus racial, bien plus génétique que leurs confrères de gauche. Et ils ont entamé notamment un certain nombre de démarches visant à stériliser ces fameux Éthiopiens parce qu'ils ne seraient pas juifs, biologiquement, j'entends. C'est toujours d'ailleurs la contradiction interne de l'État d'Israël qui peine à déterminer qui est juif et qui ne l'est pas. Est-ce que c'est un point de vue religieux? Est-ce que c'est un point de vue génétique? Il y a tout un tas de cas de personnes qui ont voulu accéder à la nationalité israélienne, qui sont allées jusqu'à la Cour suprême israélienne pour faire valoir leurs droits et qui ont eu des soucis parce qu'en fait, ces gens, il y a eu les deux cas en fait. Il y a eu les gens qui étaient ethniquement juifs mais qui embrassaient une autre religion, peu importe laquelle, et ils demandaient quand même la nationalité israélienne. Donc il y a eu tout un tas de débats et la constitution israélienne ne dit pas qui est juif et qui ne l'est pas. C'est un bordel sans nom. Et puis il y a eu les gens n'appartiennent pas du tout au peuple juif au départ, qui sont des goy qui se sont convertis. La conversion au judaïsme est extrêmement difficile, et pour qu'elle soit reconnue par les rabbins israéliens, c'est encore plus compliqué. Mais en tout cas, un certain nombre de cas spéciaux, un nombre assez restreint de gens qui étaient dans ce cas-là et qui ont demandé la nationalité israélienne et qui l'ont pas obtenue, ça a fait débat et ça a relancé finalement la polémique sur la constitution israélienne qui ne dicte pas très clairement qui est juif et qui ne l'est pas. Et en fait, je pense que ça résume bien le judaïsme en général. C'est une sorte de casse-tête chinois. C'est un casse-tête chinois sans fin. Et moi, j'aime beaucoup la réaction de monsieur l'abbé Olivier Rioux, que l'on salue d'ailleurs s'il nous écoute. Finalement, qui dans une réponse sur une vidéo à cette histoire de conversion de Gad Elmaleh, va émettre une déclaration assez simple. C'est que cette histoire de qui est juif, qui ne l'est pas, mais tout ça, de toute façon, ça n'a plus aucun sens. Il le dit à Gad Elmaleh, mais en fait, enlève tout ça, sors du judaïsme complètement. Pour sortir du judaïsme, t'as pas besoin de faire un test ADN, d'accord? Il suffit de le vouloir, de te déclarer finalement non-juif parce que tu ne vois pas le sens de cette religion, et puis d'embrasser la vraie religion, tout simplement. De faire un acte de foi public, et de toute manière, que tu sois juif de sang ou pas, si jamais tu poses un tel acte, tu vas te rendre compte que tu vas sortir du judaïsme même contre ta volonté, parce que tes anciens amis vont te dire « Ah bah non, là, tu te rends compte, Gad Elmaleh, là, t'as été trop loin. T'as embrassé officiellement le catholicisme. Effectivement, on ne te considère plus comme un juif, t'es devenu un ennemi. » Vous me direz « Oui, Marav, ça fait 30 ans que tu dis ça. » Oui, d'abord, c'est pas 30 ans, c'est 3000 ans que les sages d'Israël disent ça. Gad, je connais un petit peu la question juive. Je l'ai abordé dans mon livre sur tous ces aspects, hein, religieux, psychologique, historique, politique, économique, morale, eschatologique aussi, bien sûr. Et d'après Isaac Singer, un juif, c'est quelqu'un qui, n'arrivant pas à trouver le sommeil, empêche tout le monde de s'endormir. Et j'avais écrit ce livre pour aider bien tout le monde à retrouver un sommeil paisible. Alors si tu veux la paix, n'écoute pas les rabbins, ni même ta famille, qui n'ont pas cette paix en eux, qui n'ont pas le Christ en eux, et qui même respirent la haine du Christ, le mépris des non-juifs. Alors attention Gad, prie ton créateur, ton sauveur, pour résister à la pression humaine qui va chercher à te détourner de la vérité qui libère. Le Christ nous a prévenus, hein, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et surtout, il nous disait, celui donc qui me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais le glaive. Car je suis venu séparer le fils de son père, la fille de sa mère et la bru de sa belle-mère. Et on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Gad, tu peux quitter le ghetto juif. Reste l'ami de saint Augustin et il te conduira à Dieu, au Christ, au vrai agneau, à celui qui ôte les péchés du monde. En lui et seulement en lui, tu trouveras la paix de ton âme. Libère-toi donc du judaïsme, car depuis que la synagogue a refusé la volonté du Père éternel en crucifiant le Messie, l'envoyé de Dieu, eh bien elle se conduit comme une mère castatrice qui emprisonne et déséquilibre ses enfants en leur disant, en leur répétant indéfiniment que l'arrivée du Messie est pour bientôt, c'est pour demain, c'est pour après-demain. Et ça fait 2000 ans qu'ils annoncent cela. Et c'est frustrant. C'est frustrant pour les enfants, pour les juifs. Et c'est là l'origine du mal-être juif, l'angoisse juive, qui sent bien, inconsciemment, bien qu'il y a quelque chose de raté, que la mission pour laquelle ce peuple avait été créé, eh bien, a échoué. J'ai une bonne image d'illustration un peu pour illustrer justement les propos que vous pouvez avoir entre les relations entre judaïsme et christianisme. En fait, le judaïsme, c'est une chrysalide. Donc voilà, c'est un cocon qui était en, donc, qui est en puissance pour devenir un papillon. Donc, et ce cocon, c'est le judaïsme. Le papillon, c'est l'Église. Donc, toute la préparation du judaïsme n'a mené qu'à un seul but. Tout le judaïsme n'a mené qu'à un seul but, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, donc, qu'est-ce que le judaïsme ? Et bien, en fait, c'est un cocon en putréfaction. C'est vraiment quelque chose de totalement inutile. Voilà, moi, c'est j'apprécie particulièrement cette image. Après, je voudrais quand même revenir un petit peu sur la promo. Je constate que ça fait le buzz, hein, comme disent les jeunes aujourd'hui, même les journalistes hein, d'ailleurs. Ce qui veut dire que c'est un sujet qui intéresse. Donc, dans une société complètement athée, païenne, communiste, ces histoires de religion intéressent encore. Donc peut-être qu'il y a un côté un petit peu moqueur, mais la plupart des gens sont intéressés. Bon, alors après, oui, c'est voilà, Gad Elmaleh, genre l'humoriste préféré des Français. Bon, bref, ça... ouais, les personnalités préférées des Français, ça, c'est un truc qui ressort tous les ans, hein, cette blague. Soral a déjà débunké ça c'était il y a presque 10 ans maintenant. C'est-à-dire que on se rend compte que, si jamais on écoute les médias, on se rend compte que les Français adorent les Juifs. Ah, ils adorent les Juifs. Parce que, vous savez, personnalité préférée des Français, en numéro 3, il y a Gad Elmaleh, en numéro 4, il y aurait, je sais pas qui. Il y a le Congoïde, Yannick Noah. Ouais, il est toujours en numéro 1, numéro 2 aussi, ouais. Il y a, comment elle s'appelle, Anne Roumanoff. Les Français adorent Anne Roumanoff parce qu'elle est évidemment très très drôle. Il doit y avoir Omar Sy, non ? Ouais, Omar Sy, ouais, complètement, j'ai oublié Omar Sy. Oh là là. L'abbé Pierre, voilà. Pour la 8e fois consécutive, c'est Yannick Noah, le chanteur et ancien joueur de tennis, qui occupe la première place du classement. Rien ne semble l'atteindre, pas même ses déclarations controversées sur le dopage. Et malgré ses positions politiques, il est en tête aussi bien chez les Français de gauche que de droite. Juste derrière, c'est Zinedine Zidane qui occupe toujours la 2e place. Les politiques font pâle figure en cette année présidentielle. La seule à se distinguer, c'est Simone Veil qui occupe la 4e place. Oui, il y a Simone Veil aussi qui apparaît. Puis je crois le noir qui joue dans le film qu'on nous a conseillé d'aller voir, soi-disant un chef-d'œuvre. Ma femme est allée voir, elle m'a dit que c'était de la merde. Mais enfin, ça fait partie de ces nouveaux rituels maintenant, c'est qu'un film sort, c'est une entreprise commerciale. Tous les journaux télévisés qui nous parlent de rien de sérieux nous disent qu'il faut aller voir le film avec des extraits. Il y a une projection organisée privée à l'Élysée. Le président de la République dit que c'est un chef-d'œuvre. Et derrière, ça fait 15-20 millions d'entrées. C'est devenu une espèce de système maintenant, finalement, où il y a une espèce de cinéma de propagande d'État. Alors toujours sur le métissage, le noir qui danse comme Michael Jackson, qui pousse un riche blanc en fauteuil roulant. Il est le sourire de cette nouvelle année. Omar Sy, révélation du film Intouchable, démarre 2012 sur les chapeaux de roue et fait une entrée fracassante dans le classement des personnalités préférées des Français. Le héros du film, qui devrait dépasser aujourd'hui les 16 500 000 spectateurs, bat tous les records et se place directement à la 3e marche du podium. Une véritable success story pour cet ex-gamin de trappe, devenu le symbole d'une France métissée et généreuse. C'est toujours de la grosse artillerie droit de l'hommiste métisseuse. On avait eu, je crois, les ch'tis dans le même genre. Produit toujours par des membres de la communauté organisée, des convertis même pour Danny Boone, qui n'était malheureusement qu'était mal né, mais il a fait des efforts, il s'est converti. On a cette espèce de... Voilà, ça s'institutionnalise en France, et je pense qu'on finira comme Hollywood, où finalement Woody Allen dit en plaisantant, parce que lui a le droit évidemment de faire des plaisanteries, que la cérémonie des Oscars est la plus grande fête juive du monde. Et en fait, comment ça marche, ces trucs de personnalité préférée des Français, c'est qu'on donne à un groupe de contrôle une centaine de fiches, d'accord ? Dans la centaine de fiches, il y a 75 juifs, d'accord ? Et on leur demande de classer, voilà. Vous détestez plus celui-là, vous aimez, voilà. Et puis à la fin, on se rend compte, ah bah c'est bizarre, il n'y a que les juifs dans les personnalités préférées des Français. Bah oui, tu m'étonnes. Forcément, au départ, c'est biaisé, quoi. Bon, bref, moi, je vous renvoie à la vidéo très drôle de Soral sur ce sujet-là, qui, il y a environ 10 ans, a déjà débunké tout ça. On se fout de nous. On se fout de nous. Après, je ne doute pas non plus qu'il y ait certains Français, surtout des boomers, qui soient accros à la télévision, d'accord ? Accros aux chaînes d'infos en continu, et qui, sincèrement, parce qu'on leur répète 50 fois par jour que Omar Sy, c'est vraiment le top du top de l'élégance française, qui pense sincèrement que Omar Sy, il est aussi drôle que Louis de Funès, quoi. Bon, ça, j'ai plus rien. Et du coup, ouais, c'est plutôt étonnant qu'il, dans une société voilà, qui a un peu adopté la maxime de Nietzsche, Dieu est mort, autant s'intéresser à cette histoire de religion. Voilà, ça prouve qu'il y a quand même de l'espoir et qu'en fait, tout est encore possible pour sauver notre peuple et pour sauver l'Église, quoi. Ça, c'est aussi moi ce qui m'a marqué à ce niveau. Alors après, c'est aussi à double tranchant. Vers quoi veut nous mener le système avec cette histoire? Est-ce que ça ne serait pas une forme de syncrétisme? Surtout que voilà, Gad Elmaleh, le gars, il a quand même allé plus rencontrer Bergoglio, donc l'autorité suprême du Vatican, on va dire. Et bon, pour moi, il est voilà, Bergoglio, c'est pas un agent catholique, hein, c'est un agent du mal, on va dire, qui veut nous mener vers cette espèce de syncrétisme de religion mondialiste qui mélange un petit peu tout. Et est-ce que ça ferait pas partie de ce plan-là? Donc d'attirer les Français bébêtes, comme tu dis, qui regardent la télé, qui sont abreuvés à la télévision, les boomers, etc., etc., vers une espèce de... qui sont déjà aujourd'hui de culture chrétienne, on va dire. Voilà, ils fêtent Noël, bon, ils sont de culture chrétienne, mais vers ce syncrétisme mondialiste, un peu dirigé par Vatican, l'ONU, tu vois. C'est un peu... Moi aussi, je me pose cette question. C'est un peu les deux volets que je me pose, mais sur les deux volets, il y a quand même le, voilà, le premier volet qui est plutôt un volet d'espoir, que les Français sont encore intéressés par la religion. D'ailleurs, voilà, religion, qu'est-ce que ça veut dire en vrai? C'est ce qui permet d'être relié à Dieu, au bon Dieu. Donc, bon, on a tous en nous cet appel vers quelque chose de supérieur. Donc, ça, je pense que c'est plutôt bon signe, quoi. Je te rejoins complètement. On a essayé de chasser toute spiritualité des sociétés, mais il y a un appétit naturel de l'homme vers ça. Donc, il y a un retour vers la spiritualité. Et du coup, on le remplit avec un peu n'importe quoi, soit des choses très personnelles, très New Age et autres, soit vers une sorte de mélange interreligieux où tout se vaut, changeant complètement. Au final, ça se trouve, dans le plan du bon Dieu, le Gad Elmaleh va participer à la conversion sincère de pas mal de nos compatriotes, que, voilà, que le bon Dieu va servir de marchepied pour tout ce modernisme, tous ces conciliaires, ces conciliabulaires, tout, voilà, toute cette merde. Ben au final, le bon Dieu va s'en servir pour des conversions sincères. En tout cas, c'est vraiment tout ce que je souhaite. Hein. Je pense que ce sera pour des cas particuliers, parce que, d'un point de vue général, c'est pas la marche que ça prend. Donc peut-être que ça permettra de pêcher quelques âmes à la ligne, mais c'est pas. Moi, je compte pas sur Gad Elmaleh pour réenclencher un mouvement d'évangélisation du pays. Ouais, et en même temps, j'ai envie de dire tant mieux, parce que si c'était Gad Elmaleh à la pointe des conversions de masse, ça serait quand même assez inquiétant. Mais bon, on verra bien, rien d'impossible au bon Dieu, mais effectivement, ça ressemble plutôt à une forme de maranisme qui tend vers un syncrétisme qu'autre chose. Ouais, après, ça serait pas impossible, hein, parce que ouais, pense à Saint Paul. Saint Paul, avant, c'est Saul, c'est quand même un tueur de chrétiens. On était même sur un profil encore moins prometteur que Gad Elmaleh. Ouais, parce que tout ce qui tue Gad Elmaleh, c'est l'humour, justement, donc on fait pas trop dedans. Avec ses pubs là sur la banque, là. Oh là là, le malaise, oh là là. Je me demande d'ailleurs comment est-ce qu'il a accepté qu'un truc pareil devienne public, quoi. Tu vois cette pub là sur la banque, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Surtout venant d'un humoriste, enfin en tout cas humoriste officiel. Hein. Moi, il m'a jamais fait trop rire, Gad Elmaleh. Hein. J'ai vu son meilleur sketch, alors vous ne voyez pas faire des guillemets, mais croyez-moi, je fais des guillemets avec mes doigts. Son meilleur spectacle, pardon, c'est Papa est en haut. C'est vite fait s'il m'a arraché trois sourires en une heure et demie, quoi. C'est compliqué, hein. Moi, je le trouve pas talentueux. Comédien, dans les films que j'ai vus avec lui, ça va. Je trouve que ça se tient. C'est pas fou, mais ok, pourquoi pas. Humoriste, non, non, là. Oui, non, mais c'est vraiment pourri ce spectacle. Surtout que son souffre-douleur, qui est censé être humoristique, c'est toujours le grand blond, là. En gros, ce que nous, on aime, tu vois, c'est l'homme blanc, blond. Bah lui, c'est son souffre-douleur, quoi. Voilà, c'est clair que moi, au niveau humour, je préfère largement un congoïde comme Dieudonné qui va taper sur tout le monde. Et là, on sort du politiquement correct, c'est quand même plus intéressant, quoi. Bon, après, moi, je répète finalement ce que j'ai dit en intro. Je sais pas exactement ce qui se passe dans la tête de Gad Elmaleh. Et finalement, donc, si jamais il souhaite faire une conversion sincère, bah, écoutez, tant mieux pour lui. Hein, si jamais il a vraiment une dévotion envers la Sainte Vierge Marie et que cette dévotion grandit, mais tant mieux. Si jamais il y a des gens qui le suivent, tant mieux. C'est même pas le propos, en fait. C'est vrai que faut pas aussi oublier que nous, en tant que catholiques, on a peut-être aussi l'envie j'ai envie de dire avoir trop d'envie, trop d'attentes envers les conversions massives des juifs vers le catholicisme, parce que finalement notre génération, elle a pas connu trop ça en fait. Bon, du temps de la vie du Christ, forcément il y a eu des conversions de juifs massives à sa mort, bien sûr, et des épisodes historiques. Généralement à chaque fois c'était l'âge d'or de l'Occident chrétien, suivait aussi des conversions massives de juifs. Perso, moi je suis né fin des années 80, ce genre d'événement, j'en ai pas connu, et malheureusement, il est possible que je n'en connaisse pas jusqu'à la fin de ma vie. Donc en fait, on est toujours dans l'attente. Il y a des conversions individuelles, hein, je dis pas que ça n'arrive pas, il n'y a pas de conversion massive. C'est une attente qui est légitime, parce que on sait que la conversion massive des juifs, c'est un événement qui précède finalement la deuxième venue du Christ sur Terre, la fin des temps. Donc on est dans l'attente légitime de cet événement-là. Finalement, au fur et à mesure de cette conversation-là qu'on a tous les trois, je me dis même, est-ce que finalement, Gad Elmaleh, ça serait pas un agent qui voudrait absolument faire du buzz, se faire du pognon, et ça serait quelqu'un qui manipulerait, ou ça serait juste finalement un manipulé qui serait finalement pris dans un cercle visant à tout aplanir en termes de connaissances religieuses, comme l'a évoqué Dédé, le fait d'avoir un syncrétisme religieux, cette fois-ci public, à travers des people, et Gad Elmaleh ne serait que l'instrument de ça. Concernant le pape François, bon, lui par contre c'est évident, il a signé, quoi. C'est-à-dire que quand il était évêque à Buenos Aires, il passait plus de temps dans les synagogues que dans les églises. Bon, j'exagère un petit peu, mais bon, il y a des photos, même des vidéos publiques où il se rend dans des synagogues avec des rabbins, il allume des chandeliers à sept branches. Bon, il a tout validé, hein, et dans ses déclarations... D'ailleurs, quand il a été élu pour monter sur le trône de Saint-Pierre, son premier acte officiel a été d'envoyer une lettre aux juifs d'Argentine, quoi. Pour assurer qu'il allait toujours penser à eux, ses prières... S'excuser, peut-être. Et tout le bordel, quoi. Ouais, excusez-moi, j'ai été élu, je vous promets. Je suis pas antisémite, putain, je suis pas antisémite. Non, mais il a tout ratifié, d'ailleurs, comme le disait Haddock en début d'émission, en termes de conversion, il a déjà dit publiquement, mais moi, je ne vais pas faire comme ça de prosélytisme, vous vous rendez compte, mais qui suis-je, etc. Bah, qui suis-je? C'est censé être le pape, donc normalement, les conversions, tout ça... Pourquoi on s'est fait chier à envoyer des missionnaires comme ça pendant des siècles à l'autre bout du monde avec les dangers voilà, que l'on connaît? Bah, c'est pour convertir. Mais vu que dans la tête de ces gens, bah, finalement, oh, on croit tous au même Dieu, c'est la même chose, il y a juste des petites différences comme ça, mais on est tous amis, on est tous frères. C'est la chanson de, comment il s'appelle, l'autre tordu, là, on ira tous au paradis, en fait. Hein. Donc vu que ces gens croient à ce genre de sottises, et font même de l'activisme, du militantisme agressif, hein, pour que les catholiques suivent le mouvement, bon, bah, dans sa tête, tout est cohérent, quoi. Il y a, sur la conversion des Juifs, tu comparais celle à l'époque de notre Seigneur et celle qu'on attend ou qu'on ne voit pas. Il faut garder en tête que ce n'est pas les mêmes gens. On a avant des Juifs qui sortaient de la loi de Moïse, qui étaient Juifs parce que bah, c'était l'ancienne alliance et c'était le moment de se convertir, ils l'ont fait. Aujourd'hui, on a des gens qui ont persisté dans une erreur pendant 2000 ans, qui ont en plus intégré des nouveaux éléments. Le Talmud, c'est quand même quelque chose de plus récent. Et en plus, c'est même pas, je dirais, les mêmes gens. Si on parle du sang, hein, on a aujourd'hui des populations converties ou en tout cas tellement mélangées qu'on n'a plus le même substrat qu'à l'époque de la Palestine. On sait qu'il y avait déjà eu des conversions. On avait quand même... un petit État entouré par d'autres grandes puissances égyptiennes et hittites qui avaient été colonisées par les Romains, les Grecs, les Babyloniens, les Perses. On n'a pas les mêmes gens. Puis la deuxième chose, tu parlais de Gad Elmaleh, est-ce que c'est un agent? Ah voilà, ça permet de parler un peu des thèses du complot. Faut pas aller en chercher uniquement parce que c'est l'explication la plus simple, pour rester une hypothèse, mais on n'a pas quand même d'éléments qui nous permettent de penser ça. Je pense que si Gad Elmaleh joue cette partition, c'est parce que c'est dans l'air du temps, c'est presque plutôt une conséquence, même si elle-même, elle va être causale et apporter d'autres conséquences en cascade. Et puis, je pense que, voilà, on va rester terre à terre. tu l'as dit, il fait sa promo, il y a un business derrière, ça reste un créateur, même si on peut être critique de ses créations, il a été, son inspiration l'a porté vers ça, et il s'est engouffré dans cette brèche. J'en ferai pas, si tu veux, un agent, je dirais, piloté et conscient du syncrétisme, contrairement à Bergoglio. De toute façon, on va le voir, tout ça sera mis en place publique de manière très rapide. J'ai même envie de dire d'ici Pâques, en fait. Pourquoi je parle d'ici Pâques? Parce que si vraiment il est depuis plusieurs mois dans une démarche sincère de conversion au catholicisme, bon, ça veut dire qu'il a déjà demandé le baptême, d'accord? Alors, la demande de baptême pour un adulte, moi je suis comme Obélix, Ah non, Obélix il est tombé dedans quand il était petit. Moi je suis pas tombé dedans quand j'étais petit, d'accord? Donc j'ai fait une conversion en tant qu'adulte. Donc, je peux vous dire, ça dure moins d'un an, d'accord? Parce qu'on est, pour les adultes, on doit quand même les instruire un minimum sur qu'est-ce que le catholicisme, comment marchent les sacrements, qu'est-ce que la doctrine, etc. Ça dure moins d'un an, d'accord? Donc là, on est au mois de décembre. Lorsque va arriver Pâques, il est possible, surtout pour quelqu'un comme Gad Elmaleh, qui a quand même... il ouvre toutes les portes, ce type-là, vu que c'est un people. Donc il est possible qu'il ait fini son instruction d'ici Pâques. C'est plus que certain, si jamais il avait entrepris cette démarche sincère, je sais pas si c'est le cas ou pas, d'accord? Je le précise encore. Donc, s'il y a Pâques, parce qu'on baptise les adultes à Pâques, d'accord? On attend généralement un petit peu. Si jamais il n'y a pas de baptême à Pâques, ça voudrait dire qu'en fait, tout ça, c'était une option de com qu'il a joué, voilà, une option marketing qu'il a bien joué d'ailleurs, je vais te le reconnaître. Tout ce que tu dis, c'est chez les tradis. Je ne sais même pas si ça se fait comme ça dans l'église consignière. Ouais, en fait, tu vois, en m'écoutant parler, parce que j'aime bien m'écouter parler, c'est mon problème. Je me demande même comment est-ce qu'ils font chez les modernistes, quoi. Naïvement, je me suis dit, en fait, on va se référer au processus normal qu'on a toujours fait depuis 2000 ans, quoi. Les catéchumènes, etc. On vérifie que la conversion est bien sincère, que l'adulte soit bien instruit, etc. Mais effectivement, comment marchent les modernistes par rapport à cette histoire-là? Ça, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont tellement tout chamboulé, ils ont tellement fait des révolutions dans la révolution que ça se trouve, en fait, ils ont pas d'instruction, ou alors je sais pas comment ça se passe chez eux, sincèrement. Perso, j'ai plutôt connaissance de cas qui sont passés du modernisme au catholicisme. Un lambda qui tout d'un coup reçoit des grâces du bon Dieu, qui va toquer à la porte de son église et qui dit au prêtre, on ne sait pas selon quel rite il a été ordonné, on va dire prêtre possible ou pseudo-prêtre. Et en fait, le prêtre lui dit, mais est étonné, non, mais pourquoi voulez-vous convertir? Voilà, il suffit d'entrer dans l'église, tout se fait dans votre cœur et ça suffit, quoi. Il n'y a pas d'enseignement de la doctrine, il n'y a pas vraiment de prise en charge sérieuse, en fait. Et c'est pour ça qu'on retrouve énormément de lambda qui se convertissent dans nos chapelles à nous, donc dites traditionnalistes. Hein. Et du coup, quand ils nous racontent leur parcours, et ben voilà, c'est un petit peu ça. C'est le prêtre qui était en chemise hawaïenne, qui est étonné et qui leur demande pourquoi ils veulent se convertir. Quoi. Ouais, qu'est-ce que vous foutez là? Foutez-moi le camp. C'est leur boulot. Quoi. Ouais, c'est en gros, non mais là, voilà, là, je suis en train de danser autour de l'hôtel sur de la musique techno. Arrêtez de venir m'embêter avec ces histoires de religion, quoi. Ouais, vous croyez en Dieu? Ouais, c'est bon, c'est fait. Vous n'êtes pas embêté, là. Ok, je vous verserai de l'eau dans 6 mois, d'accord, mais faut plus revenir, monsieur, hein. C'est bon, hein, faut partir maintenant. Moi, j'en connais un de juif qui s'est, à titre personnel, hein, qui s'est, je vais dire qu'il s'est converti au catholicisme, non, parce qu'en fait, lui, du coup, comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit. Un juif dans le sens où sa maman appartient, on va dire, au peuple juif, mais elle est dans la même configuration, c'est-à-dire qu'elle a grandi en tant que catholique, elle rejette absolument tout ce qui vient du judaïsme, elle trouve ça absurde. Et ce garçon en question, je connais vraiment très bien. Hein. Une fois, je l'avais interrogé là-dessus, c'était pour le taquiner en fait. Alors, je suis un peu moqueur comme garçon. Je l'avais interrogé un peu là-dessus, sur sa relation en fait avec le judaïsme, et il avait une réaction finalement... Il avait haussé les épaules, mais il avait dit, mais enfin, le judaïsme en 2000... je sais plus, c'était en 2019, quoi. Le judaïsme en 2019, mais enfin, je comprends même pas le sens, quoi. C'est absurde. Tellement qu'en fait, il était loin, loin de tout ça, quoi. C'est vrai que maintenant, les Juifs, ça fait combien de temps qu'ils attendent le Messie, hein, d'accord? ça fait quand même, ils ont passé, là, je reprends finalement cette déclaration de monsieur Labériou, qui a écrit d'ailleurs, je fais une petite promo, un excellent bouquin qui s'appelle De la question juive, que vous pouvez commander sur son site La Sapinière, qui a eu finalement une déclaration, mais tout à fait sensée. Les juifs ont passé plus de temps maintenant à attendre le Messie qu'à le prêcher, quoi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans une situation complètement absurde, où tous les signes de l'Ancien Testament, qui répètent toutes les semaines, sont arrivés, d'accord? Et ils sont comme ça, comme un peu comme la politique de l'autruche, ils ont la tête dans le sable, et ils refusent de voir le Messie qui est arrivé, alors qu'en fait, ils voient tous les signes en face d'eux. Gad, un conseil, ne perds pas ton temps avec les absurdités du Talmud. Je vais te montrer, par une simple observation qui est à la portée de tous, que le judaïsme est faux et mort depuis 2000 ans, depuis la passion du Christ. Et pour comprendre cela, il ne te fera ni 10 ans dans la Yeshuva, ni quelques heures d'études, une seule minute. Écoute. Voilà donc 2000 ans, donc depuis le sacrifice du Christ, que les Juifs sont sans temple, sans sacerdoce, sans sacrifice, sans culte. Bref, sans religion. Une religion sans culte, c'est plus une religion. Sans la possibilité même de rendre le culte, d'obéir aux préceptes de la loi donnée par Dieu à Moïse. Car toute la vie religieuse juive était centrée et dépendait du culte et des sacrifices dans le temple. Or Moïse, la loi de Moïse date donc depuis cette révélation, depuis le 14e siècle avant Jésus-Christ. Donc pendant 1400 ans, la religion juive a pu s'exercer selon les volontés divines. Puis le culte juif a cessé depuis l'an 70. Et cette interruption est donc plus longue que la durée même du mosaïsme. 1400 ans de culte pour 2000 ans d'absence de culte. Donc il est évident donc, que ce n'est plus une interruption, c'est une suppression du culte. Ouais. Donc de deux choses l'une, ou bien Dieu demande l'impossible aux Juifs, ou bien la loi juive est abrogée par Dieu. Ouais. Et puis en plus maintenant, on est en 2022, il y a Internet, il n'y a plus d'excuses. Quoi. Alors effectivement... Bah, l'excuse sur Internet... C'est pas de plus avoir les informations, mais c'est d'en avoir trop et que les vrais éléments soient noyés dans la masse d'informations, d'opinions diverses et variées et très inégales. C'est vrai que tout le monde peut s'exprimer sur Internet et c'est pas forcément un compliment, quoi. De toute façon, moi, je suis pas démocrate pour un sou et j'arrive du coup à la même conclusion, quoi. Tout le monde peut voter. Bah ouais, mais tout le monde peut voter. Moi, j'aime beaucoup ma mère peut voter, mais c'est un problème, hein. Ma mère peut voter, je sais pas quelle est la conscience politique de ma chère maman que j'aime beaucoup, mais si vous voulez, moi, j'ai un chat, j'aime beaucoup mon chat, mais j'irai pas lui donner un droit de vote, quoi. Bah, y a tout un tas de gens pour qui, finalement, le droit de vote ne devrait pas exister, quoi. Ou alors, faudrait un permis de voter, peut-être, ou alors, faudrait pas voter du tout. Ça, c'est plutôt une conception personnelle. Je voudrais qu'on revienne sur un point qu'a évoqué ad hoc cette histoire de judaïsme qui a continué à évoluer il y a 2000 ans. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français qui pensent qu'en fait que le judaïsme, comme un logiciel, c'est la version 1.0, d'accord? Et puis le catholicisme, c'est la version 2.0, d'accord? Et en fait, le judaïsme, il a fait un arrêt il y a 2000 ans, arrêt du temps, et c'est juste la même chose avec des éléments en moins. Alors ça, c'est complètement faux. Donc, effectivement, tu as bien fait de rappeler ad hoc que d'ici, entre l'an 0 et maintenant, il y a eu le Talmud, il y a eu la Kabbale, il y a eu tout un tas d'articles religieux juifs qui sont reconnus même par les rabbins de gauche, de droite, par tout le monde, qui ont été exprimés et qui ajoutent des points de doctrine que je considère d'ailleurs à titre personnel plus absurdes les uns que les autres, ça n'a vraiment aucun sens. Hein. Je pense qu'il faut vraiment être un demeuré pour croire des trucs pareils, hein. Qui font que, finalement, c'est plutôt le judaïsme qui s'est construit en opposition au christianisme. Tous les textes religieux qui ont été émis après l'an zéro font toujours, enfin quasiment toujours, référence au christianisme en général, au catholicisme en particulier dans certains points, pour dire à quel point, finalement, on n'a rien à voir avec ces gens-là, on les déteste et tout. Il y a déjà sur Internet, vous essayez de chercher les éléments les plus agressifs du Talmud, surtout ceux qui parlent du Christ et de la Vierge Marie. Vous verrez que, enfin, c'est pas des amis, hein. C'est clairement hostile, hein. La Sainte Vierge Marie est comparée à une prostituée. On dit que Jésus est en enfer, qu'il est condamné à vivre dans des excréments pour l'éternité et à souffrir d'innombrables tortures. Vous voyez, c'est quand même autre chose quand on n'est pas dans la joie, le pardon, la foi. Non, attention, hein. Que ces gens-là, ils ont un projet. Sorciers, etc. D'ailleurs, cette haine, elle s'est aussi matérialisée donc au niveau politique à travers l'histoire. Par exemple, les Juifs étaient toujours les alliés des empereurs païens pour persécuter les chrétiens. Lors de la Reconquista, c'est les Juifs qui avaient ouvert les portes des villes chrétiennes pour que les Sarrasins puissent rentrer et tuer tout le monde, etc., etc. Les Juifs préfèrent vivre sous le joug musulman que sous le joug chrétien, quoi. L'histoire l'a prouvé. Donc cette haine théologique, cette haine du Talmud, etc., dont tu parles, Bobby, a été matérialisée au niveau historique. D'ailleurs, le fameux rabbin là que j'ai cité en début, là, Twitou, lui, vous savez, le grand remplacement, nous, on n'a pas le droit d'en parler, hein, parce qu'on est des goy, fascistes, tout ça, d'accord. Lui, le Rav Twitou, il est dur à dire son nom, hein, Twitou, là, Twitou, là. On peut dire le Rav Toutou, hein. Bon, je vais l'appeler le Rav Toutou. Le Rav Toutou, c'est pas mal. Ouais, c'est très bien, ça, c'est adopté. Voilà, j'adopte le Toutou. Le Rav Toutou, disais-je, lui, il valide le grand remplacement. C'est-à-dire qu'il a le droit de s'exprimer là-dessus. Il dit très clairement qu'il y a une invasion d'afro-musulmans en Europe. Je vais passer l'extrait. Et en fait, il arrive à une conclusion, bah, finalement, cohérente du point de vue juif, que c'est une excellente nouvelle. C'est ce qu'il dit, hein. Pourquoi, Betsem, on est face à une situation aujourd'hui où on a découvert un vrai visage, non pas à l'Allemagne. L'histoire de l'Allemagne, vous savez, c'était quoi l'histoire de l'Allemagne? C'est l'histoire du jeu de qui avec la boule. Tu lances la boule, ça c'est les nazis. Mais les qui, c'était qui? Les Français, la Hollande, la Tchécoslovaquie, tous les pays européens ont montré leur vrai visage. Bonjour, monsieur Cohen, une petite baguette, appelle la Gestapo! La guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous, le Hafetz Chaim a dit « Ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Edom. » Selon Hafetz Chaim, la guerre de Gog et Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, « Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemo La'ad » dit le Hafetz Chaim, va provoquer que Ishmael se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. L'islam est le balai d'Israël. Il est très heureux, en fait, que, finalement, les Européens de souche se fassent envahir par des populations afro-maghrébines qui sont parfois pas toujours très sympathiques, hein, excusez-moi, hein, et que, finalement, ça engendre un remplacement de population et un remplacement de civilisation. Lui, il est très heureux de ça. Hein. Donc, vous voyez, ces gens-là, je mets pas tout le monde dans le même panier, d'accord, je veux dire, ces gens-là, non seulement ils ont un projet, il veut dire, ils le disent publiquement parce que moi, si je dis un quart de ce que dit le Rav Toutou, on me met en taule, bien sûr, hein, c'est lambda, hein, j'ai pas la carte, j'ai pas le joker, désolé, mon tonton, il était en Pologne, j'ai beaucoup souffert, etc., il était forcé à porter des pyjamas rayés. Non, moi, je suis désolé, je suis qu'un goy, donc j'ai pas la carte de joker là, et bon, les gens qui s'expriment là-dessus, bon, du coup, on les fout en taule, là. Hein. Bon, le fameux rabbin Ron Chaya que j'ai mentionné en début d'émission, pareil, c'est quelqu'un qui est extrêmement hostile au christianisme en général, à l'Occident même, à l'Occident, souvent d'ailleurs avec des critères fallacieux. J'ai écouté, alors c'est un mec, je pense qu'il est fou, hein. je sais pas comment le caractériser, mais je pense qu'il a clairement un problème psychologique. Il va lister tout un tas de problèmes qu'a l'Occident, certains d'ailleurs sont valables, et dedans, il y a quand même un truc qui m'a sauté aux yeux, il liste dans les problèmes qu'a l'Occident qui ne veut pas voir venir en Israël, la pornographie. Alors là, je suis désolé, Rav Ronchaya, on n'est pas responsable de ça. Là, la pornographie. C'est vraiment la chute pas, quoi. C'est le point de la charité, vraiment. Là, la route spa est totale. Hein. Désolé, la pornographie, ça vient de chez vous. Hein. Là, par contre, non, faut pas déconner. Alors, je veux bien que l'Occident, en ce moment, soit décadent. Ouais, c'est vrai. Chèvre Ronchaya, tu veux pas avoir de décadence en Israël. Voilà, ok, c'est ton droit. Tu veux pas voir d'hédonisme, de matérialisme comme on le voit en Occident. Ok, là, je comprends. Par contre, bon, ok, le porno, ça vient de chez toi, ça vient pas de chez nous. Et puis, l'agressivité, je suis désolé, pour devenir juif, si demain, je sais pas, je deviens fou, d'accord, et j'ai envie de me convertir au judaïsme, eh ben, c'est pas possible, d'accord, c'est extrêmement difficile pour un goy de se convertir au judaïsme, d'accord, ça prend des années, et en fait, on essaie d'éprouver les gens à cette épreuve, d'éprouver les gens à cet obstacle, pour finalement qu'ils échouent. On n'en veut pas. Et une fois que le processus est achevé, c'est très simple, on est souvent considéré comme des convertis, voilà, des moins que rien, quoi. Sans compter que si jamais vous essayez d'utiliser ce subterfuge pour essayer de gratter une nationalité israélienne, par exemple, les rabbins en question, ils vont étudier, ok, vous êtes converti auprès de qui, machin, ah oui, non, mais ça, c'est des rabbins de gauche, etc. Même si ça arrive souvent avec des convertis qui viennent des États-Unis, par exemple. Où en fait les juifs aux États-Unis sont extrêmement à gauche, même les rabbins. Et en Israël, c'est l'inverse, d'accord? Donc les gens se convertissent, etc. Ah, je peux être israélien, machin, je suis juif. Ils arrivent en Israël, non, mais non, c'est bon. Alors que nous, de notre côté, finalement, ce qu'a exprimé monsieur l'abbé Olivier Rioux, c'est beaucoup plus simple. Vous oubliez ces histoires abracadabrantesques de Talmud, de Kabbale, où en fait on vous dit oui, vous avez le droit. De marcher le samedi, mais pas plus de 3 pas, et seulement à cloche-pied et du pied gauche en se grattant le nez. Enfin, c'est un truc absurde, hein, vraiment. Vous oubliez ces conneries-là, d'accord? Vous faites une conversion sincère, et vous allez voir que de toute manière, les gens qui vous aiment actuellement, en tout cas qui le disent, qui vous disent vous aimer, vont vous rejeter et vont même plus vous considérer comme juif. C'est exactement ce qui s'est passé avec ces deux rabbins, hein, le Rav Ronchaya et le Rav Toutou, d'accord? Ils ont commencé à mettre des menaces. Ils lui ont dit, Gad, tu commences à mettre un pied dans un doigt dans l'engrenage, d'accord? Si tu continues, tu seras plus des nôtres. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà. De quel côté l'agressivité, je vous laisse juger. Je reviens sur le Rav Twitou qui se réjouit du remplacement de population. Souvent, on dit qu'on a les juifs de gauche qui soutiendraient. Le remplacement depuis, en tout cas, avec le fait notable avec SOS Racisme, et qu'on aurait de l'autre côté des juifs de droite comme Éric Zemmour qui s'opposerait à l'immigration. Là, pour le coup, là, Twitou, c'est pas un juif de gauche, quoi. Donc on voit bien que lui aussi, il a un intérêt à ce remplacement. Bon, écoutez, moi, je voulais aussi rajouter un élément, c'est que on a des raisons sincères, nous, de se méfier en tout cas des pseudo-conversions, parce qu'on a vu que dans l'histoire, il y a eu des éléments qui émettaient des doutes. Dédé a parlé tout à l'heure du maranisme. Donc ce sont ces juifs faussement convertis au catholicisme qui continuaient finalement à pratiquer le judaïsme en secret et qui l'ont fait pour des raisons matérialistes en fait. Hein. Ils voulaient rester en Espagne malgré voilà, la méfiance d'Isabelle la catholique, par exemple. Hop, conversion, etc. Et puis en fait, les samedis, ça continue à allumer des chandeliers à cette branche. Et puis en public, ouais, mon frère chrétien, machin, ouais, l'usure, tout ça. Bon, écoutez, dans l'histoire, on a vu que, voilà, on devait se méfier, on pouvait se méfier. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de cette histoire de Rutzpa de Gad Elmaleh. À voir, chacun se fera son avis. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on va parler un peu de politique intérieure française. À tout de suite. Tell me more when I go home, the boys won't leave the girls alone. They pull my hair, they stole my comb, well that's alright till I go home. She is handsome, she is pretty, she is a belle of Belfast City. She is a courting one, two, three, pray, won't you tell me how I am. Tell me more when I go home. Alors nous sommes repartis pour la deuxième partie de l'émission Oremus. Je suis toujours accompagné de Dédé et Adoc et on va parler de Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen, je ne sais pas ce qu'elle fait Marine Le Pen. Je sais qu'elle est en vacances 360 jours par an, d'accord ? Bah, je pense qu'elle est en train de jouer avec ses chats, non ? Là, elle doit être avec ses chats, peut-être qu'elle est au PMU, elle joue au billard, je ne sais pas. Bon. En tout cas, quand on entend parler de Marine Le Pen, finalement ces derniers temps, c'est pas en bien, quoi. Je sais que c'est arrivé il y a quelques jours. Vous savez qu'il y a eu des émeutes par rapport à la Coupe du Monde, notamment au match Maroc-France. Donc, tous les journalistes de gauche se sont empressés de dire que finalement, tous ceux qui foutaient le bordel en France lors de ce match, c'était plus ou moins des skinheads, voilà, l'extrême droite, tout ça. Et puis, la réalité, en fait, a montré que c'est bizarre quand même tous ces skinheads qui ont un teint assez bronzé et qui s'expriment en langue arabe, quoi. Je veux dire, c'est louche. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, moi, je suis... C'est des skinheads. C'est des skinheads. Je suis un skinhead. Bon, moi, j'écoute BFM. Si BFM dit que 2 plus 2, ça fait 17, OK, bon, bah, ça fait 17. Bon. Et Marine Le Pen s'est illustrée par rapport à cet événement en demandant la dissolution de tous les groupes qui ne respectent pas la République, machin, l'ordre, les groupes de gauche ou de droite. Alors, c'est pratique venant de sa part, parce qu'on pourrait se dire « Ah, bah du coup, c'est bon, bah, c'est équitable, à la gauche comme à droite. » Oui, mais non, en fait non, parce que les antifas, par exemple, il y a des antifas qui opèrent de manière publique, on sait leur nom, ils cassent des trucs, ils foutent le bordel pas possible. Ces gens-là sont jamais arrêtés, d'accord. Ils opèrent en groupe, ils foutent un bordel monstre, ils font des actes de délinquance minables devant des caméras. Et ce que vous voyez souvent, des groupes antifa qui... en fait, il y a des dissolutions qui sont exprimées quand les mecs ils vont vraiment trop loin. Mais c'est une dissolution sur 1000 groupes qui restent en place, quoi. Donc en fait, quand Marine Le Pen dit ça, elle oublie que par contre, en face, dès qu'il y a un groupe qui est un peu à droite et qui sort un peu du rang, pour n'importe quelle raison, dissolution, la haine, le danger fasciste, etc. Donc quelque part, Marine Le Pen appelle à la dissolution de groupes identitaires, de droite, patriotes, ce que vous voulez. Ça lui pose pas de problème, d'accord, voilà, donc merci Marine. Mais bon, récemment, elle s'exprimait quand même sur un sujet, on va dire, un peu plus important, un peu plus sérieux. Le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement dans la Constitution française. C'est-à-dire que Marine Le Pen, je vais vous passer l'extrait tout de suite, déclare que la loi actuelle concernant l'avortement, finalement, n'est pas sécurisée. On doit la placer dans la Constitution telle qu'elle est, soi-disant pour éviter de nouvelles dérives. D'accord? Pour éviter que le délai d'accès à l'IVG, par exemple, soit rallongé, ou que on puisse enlever la clause de conscience des médecins qui refuseraient de pratiquer l'avortement, ce genre de choses. Donc en fait, elle veut figer dans le temps ce qui se fait actuellement pour éviter des dérives. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Je considère qu'il y a une vraie malhonnêteté, encore une fois, à faire croire que la question est de savoir si on est pour ou contre la possibilité de recourir à une IVG. C'est évidemment pas la question qui est ici posée, puisque, je le rappelle pour la énième fois, pas un seul mouvement politique en France représentatif n'est pour le retrait de cette possibilité pour les femmes. Mais il y a un problème de rédaction. Non, mais vous pouvez hurler tout ce que vous voulez, ça n'y changera rien. Il y a un problème de rédaction dans votre proposition. Le problème de rédaction est le suivant, et je crois que quand on touche à la Constitution, effectivement, il faut le faire avec une main tremblante. Et le problème, il est double. Il est d'abord que dans la rédaction que vous proposez, il y a une forme d'inconditionnalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai. Ça veut dire que sur le fondement de votre rédaction, pourrait être réclamé demain, d'ailleurs c'est déjà le cas par un certain nombre d'associations, l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 9 mois. Donc à 2 mois, 4 mois, 5 mois, et ça clairement nous y sommes radicalement opposés, pardon, et nous le disons. Il y a également un problème, car je ne suis pas sûr que, compte tenu de cette rédaction, la clause de conscience des personnels de santé soit préservée. C'est la raison pour laquelle je vous propose une solution qui, normalement, devrait plaire à l'intégralité de cet hémicycle et qui consiste à constitutionnaliser la loi Veil telle qu'elle existe actuellement, c'est-à-dire les articles du Code de la santé publique qui sont l'intégralité des articles qui proposent, encore une fois, cet accès, qui le réglementent, qui en expriment les conditions. Comme ça, l'on est sûr qu'il n'y aura pas, dans votre esprit, de régression, et nous sommes sûrs, nous, qu'il n'y aura pas une augmentation inconsidérée des délais contre Merci lesquels conclure, nous sommes, Madame et vous Présidente. Le savez. Merci. Seulement, Marine, je suis désolé de te dire, mais en fait, la dérive, c'est la loi en question. Voilà. Il fut un temps où le Front National, maintenant Remplacement National, s'exprimait clairement contre l'avortement. Maintenant, Marine, c'est réglé, là, c'est officiel, elle s'exprime à l'Assemblée nationale pour mettre dans la Constitution ce fameux droit à l'avortement. J'aime pas trop le terme droit à l'avortement parce que déjà les Français, dès qu'ils entendent le terme droit, ils sont tout excités. Dès qu'ils entendent le terme devoir, ils sont beaucoup moins excités. Mais dès qu'on a des droits... Le terme droit, il est totalement biaisé. L'avortement, c'est un péché grave. Il n'y a aucun droit dans le péché, donc il n'y a pas de droit à l'avortement, quoi. C'est impossible. Les gens de gauche qui sont pour l'avortement, je paraphrase encore Soral, je suis désolé, hein, ça fait deux fois, sont aussi contre la peine de mort. C'est un abécédaire, hein, donc on va prendre des mots comme ça. Alors sur l'avortement, par exemple, vous dites, il y a en France 210 000 avortements par an pour 720 000 naissances, ce qui fait quand même 30% de fœtus à la poubelle. Et vous dites que c'est un chiffre en hausse constante, malgré 35 ans de contraception remboursée par la Sécurité sociale. Alors, ce n'est plus une pratique ultime, une pratique un petit peu désespérée. C'est devenu, dites-vous, dans votre livre, une pratique banalisée qui témoigne, d'une certaine façon, de l'individualisme consumériste jouisseur dans lequel baignent nos sociétés occidentales. C'est plutôt l'enfant, c'est mon choix. Ouais. Tiens, la pilule, ça me fait grossir, j'ai pas pris, je suis sorti samedi, je suis... Oh, bon, allez, hop. Ouais. Et c'est vrai, quand on voit les chiffres, c'est ça, et ça me pose un problème parce qu'il n'y a pas besoin d'être catho-intégriste pour comprendre que c'est quand même la vie et qu'aujourd'hui, on a une espèce de mépris incroyable. Ce que je disais l'année dernière, c'est-à-dire que les mêmes gens qui sont contre la peine de mort et qui sont pour qu'on laisse faire la nature, c'est qu'ils sont écologistes, sont tous pour l'avortement intégral et sans aucune réflexion et sans aucune... Et moi, je pense qu'il y a un déclin quelque part de civilisation quand on a aussi peu de respect pour la vie. Si vous avez remarqué bien, je vais reprendre tiens, l'exemple de ma chère maman que j'apprécie beaucoup, qui est très très à gauche, hein, comme 99% des femmes, d'accord. Elle, non, bah, l'avortement, vous vous rendez compte, non, je suis pour, mon cher Bobby, je suis pour, parce que la pauvre femme, etc., si elle se fait violer, donc ça c'est l'argument qui tombe à chaque fois, si elle se fait violer, comme si tous les avortements qui étaient pratiqués en France ou dans le monde, c'était le résultat d'un viol, et du coup, d'une femme qui serait dans la détresse. Alors, en termes de statistiques, on n'est même pas au 1%, d'accord, on est du 0,1%, et j'ai même envie de dire, même si c'est du 0,1%, alors peut-être que ça va choquer des gens, mais écoutez, tant pis, c'est pas parce qu'on subit une injustice qu'on a le droit, à son tour, d'exprimer une autre injustice, d'accord. C'est pas parce que y a un serial killer qui a décidé de mettre une balle à mon cousin, que j'ai le droit d'aller dans la rue et puis de voir à mon tour de tuer un innocent comme ça parce que je sais pas il a fait trop de bruit le samedi matin quoi, il m'a réveillé. Non, ça se passe pas comme ça. Donc on subit une injustice, une femme qui subit une injustice telle qu'un viol, bah, c'est malheureux pour elle, hein, c'est grande injustice. Est-ce que ça donne le droit à son tour de commettre le mal, à savoir de tuer un bébé? Non, je suis désolé, ça ne peut pas marcher comme ça. Mais une société qui marche sur la tête. Donc les gens qui veulent tuer même un des... peu plus loin que toi. Si on marche sur la tête à tel point qu'en fait généralement, donc généralement voilà, c'est un, on va dire, on prend un exemple hein, au hasard, hein, mais un Congoïde viole une Française. La plupart des gens vont dire ah mais c'est horrible machin, sauf qu'ils vont sauver le Congoïde, tu sais, il va aller en prison devant le magistrat ou ça se trouve il va être libéré au bout de 6 mois. Hein, généralement c'est ce qui se passe malheureusement. Donc ils vont libérer le Congoïde. Par contre ils vont tuer le bébé qui lui est totalement innocent. C'est l'inversion des valeurs totales. Liberté pour les criminels et peine de mort pour les innocents. Bah écoutez, moi ça m'enchante pas des masses comme système de valeurs. Je sais pas pour vous, mais... Non, mais alors, pour parler de Marine Le Pen, vous avez vu qu'elle a proposé de constitutionnaliser la loi en disant que ça permettrait de figer les délais, de ne pas aller au-delà. Donc ça montre bien qui est cette personne. On va partir du principe que le Rassemblement National n'est pas uniquement une entreprise qui a des parts de marché, mais qu'ils ont une ligne, qu'ils ont des idées. On va se demander quelles sont ces idées. Bah, c'est vraiment l'illustration parfaite du conservatisme. C'est-à-dire qu'on conserve le niveau de merde dans lequel on est actuellement. Sauf que, du coup, pour ce faire, bah, on passe donc la loi sur l'avortement d'une simple loi à une norme constitutionnelle. Et donc, on l'a fait entrer dans... Je dirais le code ADN du régime. On n'est plus uniquement sur la structure. Là, on arrive à quelque chose de fondamental. Et disons que c'est qu'une étape vers une reddition définitive, tous ces compromis. Marine Le Pen, moi, ça ne m'étonne pas, parce que disons qu'elle a les quelques petits éléments qu'elle veut conserver. De manière générale, sur l'immigration, elle demande l'application des lois qui sont déjà prévues. C'est très bien, mais en réalité, elle ne vise pas une révolution, et un retour à quelque chose de correct. Donc, elle se bat pour ces 2-3 petits éléments d'application de lois qui existent déjà. Et sur tout le reste, c'est une véritable girouette. Elle est dans le sens du vent. Donc, du coup, aujourd'hui, l'avortement, ça fait partie des dogmes. Elle va pas revenir contre, et vous la verrez plus jamais tenir les positions qu'avait son père il y a quelques décennies. De même, sur les groupes d'extrême droite, les groupuscules d'extrême droite, qu'est-ce que ça vaut en termes d'électorat, ces gens-là? C'est quelques dizaines, centaines de personnes, peut-être milliers, quand on compte les sympathisants. Et puis, comme de toute façon, ils ont tous les médias de masse contre eux, c'est beaucoup plus rentable de leur taper dessus. Ça pose aussi la question de l'électoralisme. Je fais partie des gens qui sont pas non plus, qui sont radicalement contre le suffrage universel, pour une simple raison, c'est que c'est complètement contre nature. Les êtres humains sont pas égaux, il y a des gens plus ou moins intelligents, on ne peut pas tous voter à égalité, et même si on prenait des gens à intelligence similaire, choisir c'est renoncer, ce qui fait qu'on a tous nos domaines d'expertise. On n'est pas capable de prendre des décisions dans tous les domaines, et donc pas capable de voter à égalité pour choisir un représentant qui va prendre toutes les décisions. En revanche, je suis persuadé qu'en tant qu'opposant politique, on n'a pas la main sur le système de désignation du pouvoir aujourd'hui. Donc on est obligé de prendre acte que actuellement, il y a un système électoral qui permet de désigner des gens qui sont aux commandes, qui au niveau politique, alors que nous, on va dire, au niveau, on bricole, hein, on fait pas grand-chose. Et donc du coup, on peut espérer utiliser régulièrement peut-être ces moyens pour créer des points de rupture. Et, Maurras disait, il faut utiliser tous les moyens, même légaux. Donc aujourd'hui, il y aurait une prise de conscience des niveaux d'abstention et on aurait des gens qui refuseraient les postes parce qu'ils sont élus avec des niveaux d'abstention trop élevés. Ça vaudrait peut-être le coup de s'abstenir aujourd'hui. Ça ne permet pas de... L'abstention est complètement stérile. Peut-être même plus que le vote, finalement. En revanche, si on a des partis qui sont censés être de notre camp, tape à ce point-là sur ce qui peut se faire en parallèle, par exemple dans la rue, et qui en plus, perdent tout leur honneur dans des sujets aussi graves que l'avortement en voulant constitutionnaliser. Moi, je rejoins les abstentionnistes et absolutistes. On ne peut pas voter pour le Rassemblement national aujourd'hui. Zemmour, bien que juif, me paraît plus intègre. Et si on parle justement encore de ces mouvements de rue, ce que moi j'ai observé, c'est que même si sa candidature n'a servi à rien, et puis finalement peut-être tant mieux, on pourra revenir dessus une autre fois, j'ai vu les rangs des militants nationalistes se garnir de beaucoup de nouvelles recrues qui ont été appelées par cette campagne, et qui ensuite ont été plus loin, ont quitté Reconquête ou Génération Z, ont rejoint d'autres mouvements, en ont créé. Et donc, je pense que parfois, regarder ce qui se passe au niveau électoral peut porter des fruits là où on les attend pas. En revanche, ça pourra plus se faire avec le Front National, dont on doit appeler la mort de nos voeux. Parce qu'effectivement, ce que tu dis, Adoc, c'est intéressant, et c'est vrai. Ce qui nous intéresse, c'est pas forcément ce qui se passe à la tête de ces partis, voilà, le Front National, Reconquête. Enfin, pour moi, ils bouffent tous la même table, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à la base. Et moi, je peux aussi constater que les jeunes militants, soit Front National, enfin Rassemblement National, soit Génération Z, etc., ils se rendent compte qu'en fait, la politique politicienne, voilà, le suffrage universel et toute cette merde, ben, ils se rendent compte que c'est pourri, et donc ils vont vers des choses plus naturelles, plus radicales. Donc vers ce que le système appelle les groupuscules, voilà, donc en fait qui sont plutôt des communautés organisées, ayant une doctrine et qui essaient d'agir au niveau local, voilà, à un niveau plus clanique. Donc voilà, le bon Dieu se sert de tout, et ça aussi, je pense que ces partis politiques dits de droite, et ben servent de marchepied au final pour le vrai combat politique, qui est le combat pour la cité, donc voilà, pour le clan, pour la famille, à l'échelon local. C'est vrai que d'un point de vue purement politique, à l'échelle nationale, on n'a pas de poids. On n'a pas de poids. Vous allez passer du temps à militer, coller des affiches, distribuer des tracts, etc. Si jamais vous arrivez à obtenir 10 personnes qui vont abonder dans votre sens à l'issue d'un an de militantisme, c'est déjà le bout du monde, tu vois. Donc 10 votes et tu passes un an. Moi j'ai une position différente par rapport à Doc, qui dit bon bah finalement pourquoi pas pourquoi pas, de toute façon, on n'a rien à perdre, etc. Moi, je suis une position, je n'ai pas rentré dans le détail là-dessus. Hein. Je suis une position où, en fait, il faut absolument faire valoir l'abstention au maximum. On a des stratégies différentes. Je ne sais même pas laquelle des deux est la mieux. Ça mériterait un autre débat, une autre discussion. En tout cas, on est d'accord que d'un point de vue local, par contre, on peut faire des choses. Là, on pèse, d'accord, comme l'a dit Dédé. On peut, nous, s'entourer des bonnes personnes. On peut, bah, quand on entend des discussions, par exemple, au taf, alors toujours faire gaffe, hein, si jamais il y a des gens qui veulent absolument nous appeler les flics, genre de conneries, hein. Toujours essayer de ruser, d'accord. Mais en tout cas, on peut apporter des discussions, faire basculer la fenêtre de Burton vers la droite, quoi. On peut amener des sujets complètement à l'opposé de ce que disent les médias dominants. On peut nous s'améliorer, on peut construire une famille, on peut décider de soigner notre âme, ce genre de choses. Je vais pas faire la liste, parce qu'elle est vraiment très très longue. Mais en tout cas, je constate que il y a beaucoup de gens qui s'investissent énormément dans la politique, qui vont coller comme des fous, tracter, faire les marchés, discuter avec les petits vieux, serrer des paluches, etc. Et ils arrivent, ok, bah Coco, t'as fait ça, maintenant t'as 30, 35 ans. Célibataire, t'as pas de gosse, gros. T'es célibataire déjà. T'as pas de gosse, c'est encore autre chose. T'es célibataire. Et tu veux rester célibataire en plus. Parce que souvent, quand t'as 10 ans de célibat derrière toi, quelque part, t'as un confort, où tu dois rendre des comptes à personne, et tu veux rester dans le célibat. Alors quand tu parles de grand remplacement, et que toi, en fait, t'es un acteur finalement, malgré toi, du grand remplacement, parce que tu décides de pas jouer ton rôle, et de ne surtout pas construire une famille, c'est un souci, tout ça pour aller choper comme ça des voix à droite à gauche, des petits vieux, machin. Bon, chacun fera son jugement sur cette donnée-là. On va parler un peu des avortements, là. D'accord. On est à 200 000 avortements par an en France. C'est de ça dont on parle depuis le début de cette discussion. 200 000 avortements par an en France que Marine Le Pen veut, finalement, conserver. Voilà. À chaque année, ça augmente comme ça de 10 000. En plus, tous les ans, voilà. C'est de ça dont on parle. Il y a ça d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a les Français de souche qui ne veulent pas avoir d'enfants, finalement, ne veulent pas construire de famille, veulent rester dans le célibat, sont sujets à tout un tas de propagandes qui vont, finalement, plomber la natalité française. Dans toutes les séries à la con, on leur dit que le célibat, c'est génial. L'avortement, mais oui, c'est un droit. La contraception, le lesbianisme, l'homosexualité en général, tout ça, en fait, ça vise les Français de souche. Les métèques, d'accord ? Alors, je vais faire une petite précision, métèques, c'est pas un terme péjoratif, d'accord ? Les mots dans le dictionnaire, ils ont plusieurs sens, d'accord ? Un canard, ça peut être un journal, comme ça peut être un animal, d'accord ? Donc, quand je dis métèques, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à la cité, d'accord ? Donc, les métèques, eux, ils ne sont pas les produits de cette propagande. Ils sont imperméables à ce genre de choses. Il y a des écarts un peu à la marge. Mais en tout cas, la propagande qui vise à détruire la natalité, elle est essentiellement dirigée vers nous, vers les Blancs. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et Marine Le Pen est en train de cautionner tout ça. Voilà. Un parti politique qui est censé nous défendre est en train de dire, finalement, 200 000 bébés blancs à naître par an, poubelle. C'est ça qui est en train de se passer. Le phénomène, d'ailleurs, il n'est pas que national. Alors, on parle des 200 000 bébés qui meurent en France, mais il est aussi international parce que, par exemple, il faut savoir qu'en 2021, sur les 101 millions de personnes qui sont mortes en 2021, la première cause de mort, c'est l'avortement avec 42 millions. Donc, en 2021, il y a 42 millions de bébés qui sont morts dans le ventre de leur mère et c'est la première cause de mort en 2021. Enfin, c'est un phénomène mondial, international. Qui est vraiment... c'est hallucinant, quoi. C'est des proportions, mais c'est... En fait, on n'arrive même pas à imaginer ce que ça représente. Mais c'est énorme. C'est les deux tiers de la France qui meurent tous les ans. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu, parce qu'on a d'autres choses qu'on voit plus, qui sont aussi plus récentes. On est dans une société, on arrive encore à vivre. Mais si on repart, je dirais, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, où les rues étaient plus sûres, où la vie était plus facile... Il y a cette monstruosité qui se passe de manière cachée, parce que finalement, on parle du droit à l'avortement, mais on parle très peu de ce qu'est réellement l'avortement, des films qui avaient été faits, qui ont toujours été, doucement censurés. Mais si l'humanité survit quelques siècles, quelques millénaires, notre période sera probablement jugée comme étant celle qui aura atteint les plus hauts niveaux de barbarie et de sauvagerie avec cet avortement massif. Avortement qui était déjà pratiqué dans les sociétés païennes, en fait. C'était même normalisé à tel point qu'on pouvait faire des pièces de théâtre sur le sujet et que c'était totalement banal, quoi. Donc là, on est revenu à une société, comme on disait, hein, totalement païenne, crypto-communiste, en fait. Et ce qui est une petite anecdote intéressante, c'est qu'il y a donc un prêtre ou un pseudo-prêtre hein, d'église conciliaire qui avait tenu des propos polémiques sur l'avortement. Alors polémique, hein, j'utilise les termes du système. En fait, le gars, il avait juste dit que l'avortement avait fait plus de morts dans le monde que la Grande Guerre. Voilà, c'est une réalité, c'est un fait. Et ben, le gars, il s'est fait sanctionner par son diocèse, quoi. C'est-à-dire que même quand quelqu'un est censé représenter l'église catholique, qui est donc censé représenter la loi naturelle, l'ordre naturel, dit quelque chose de sensé sur ce sujet, il se fait taper dessus sur les doigts par la hiérarchie. Par sa hiérarchie qui dit « Oh coco, là tu dis des choses un peu trop graves », ce qui veut dire que même donc, le dogme républicain de l'avortement est en train de basculer, déjà en train de basculer dans les dogmes conciliaires. Voilà, c'est vraiment c'est un véritable fléau, quoi. Alors, je n'étais pas au fait de ce que tu dis de l'avortement dans les sociétés païennes. Est-ce que tu pourrais préciser dans quelle société? Est-ce que c'était tu parles de pièces de théâtre, donc peut-être tu penses à Rome. Je n'étais pas du tout au fait de ça. En revanche, là, dans la société moderne qu'on a, il y a quand même, la société a un nouveau visage. C'est celui vraiment du consumérisme et de l'hédonisme. La capacité de consommer qu'on n'avait pas avant. Avec depuis la révolution industrielle. On nous bombarde de messages visant à augmenter notre confort, comme tu viens de le dire. Et finalement, l'IVG, c'est un confort comme un autre dans la tête de ces gens-là. C'est, bah non, je veux surtout pas assumer la moindre responsabilité. Je vis entre Netflix, le porno, le canapé qui va se déplier pour que mes jambes soient bien allongées, et puis mes 5 chats, d'accord? Pourquoi j'irais me faire chier à entretenir un enfant? Voilà. L'enfant, si je peux le tuer de manière légale, eh ben je le tue, je veux une vie confortable. Tout est lié en fait au confort. La plupart des décisions politiques que prennent les citoyens français, même en Europe en général, sont liées à ça, le confort. De quoi parlent les gens la veille des élections présidentielles? Ils parlent pas de grand emplacement, pas trop, hein. Nous, on parle parce qu'en fait, ce sont nos thématiques et on est conscient du problème à long terme. D'accord, ne serait-ce que d'un point de vue mathématique, statistique. Mais les gens, ils parlent de pouvoir d'achat, de retraite, de est-ce que je vais bien pouvoir remplir mon frigo de Danone parce que les produits EcoPlus, ça me fait chier de les acheter, donc il me faut des sous et je veux partir en vacances. Et puis je veux partir en vacances d'été et puis en vacances d'hiver, il faut absolument que je fasse du ski. Voilà, c'est ça en fait les problématiques des Français. Une société qui vit uniquement sur la base du confort comme préoccupation est déterminée à crever. Ah doc, du coup, ouais, tu me demandais un peu des précisions sur l'avortement pratiqué dans les sociétés païennes. Donc par exemple, là, j'ai une précision à t'apporter. On peut un peu se rapporter aux écrits d'Hippocrate. Si ce grand médecin conseille aux femmes de ne pas prendre les médicaments abortifs dont il enseigne publiquement l'usage, ce n'est pas pour leur éviter une faute morale, mais pour prévenir les immenses dangers corporels qui résultent de leur absorption. Donc il faut savoir qu'à Rome, donc l'avortement est à son apogée au temps de l'Empire, dans toutes les classes de la société. Donc là, je recite, « Ce n'est plus une opération honteuse clandestine, c'est une pratique usuelle, répandue et admise partout, jusque dans le palais des empereurs, tellement public que le théâtre en parle librement comme d'une chose simple et permise. » Bon, après, là, j'ai chopé ça hein, dans le dictionnaire théologie catholique, tout simplement, à la définition avortement. Mais tout est sourcé. Après, c'est des textes forcément en grec et en latin. Mais c'est intéressant de voir que c'était un sujet, enfin, un sujet, si c'était qu'un sujet, malheureusement, mais un acte qui était déjà pratiqué dans la société païenne et que c'est vraiment quelque chose qui a été effacé, atténué, en tout cas condamné par l'Église depuis le début. D'ailleurs, le mot même de avortement, il vient donc de l'opposé du mot orior. Donc orior, hein, ça veut dire naître. Donc avortement, en latin, ça se dit abortus. Et en fait, c'est l'inverse de naître. Donc en gros, ce qui correspond à mourir ou disparaître prématurément. Et c'est ça qu'est concrètement l'avortement. C'est le médecin qui enfonce les pinces, hein, dans la maman pour broyer la tête du bébé et l'expulser. Voilà. Alors, tu vois, par exemple, cet exemple que tu viens de dénoncer avec les pinces qui brûlent la tête, si jamais tu l'exprimes, pour montrer un peu le niveau dans lequel on est, si jamais tu l'exprimes de manière publique sur un cas général, tu as droit d'en parler. Si jamais tu l'exprimes envers quelqu'un qui aurait l'idée de se faire avorter, eh ben mec, tu as des problèmes par rapport à la justice. 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, parce que tu fais un délit d'entrave à l'IVG. Voilà. C'est quand même dingue, je veux dire. Ça, c'est une loi qui a été pondue récemment, qui a été pondue il y a à peu près 2 ans, je crois. Voilà. On corrigera peut-être à l'issue, a posteriori. Mais ça va assez loin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui essayaient d'œuvrer pour essayer de finalement d'aider des femmes en détresse qui sont gérées à l'avortement et qui maintenant ne peuvent plus agir concrètement à cause de cette loi-là. D'ailleurs, nous, d'un point de vue purement chrétien, cette loi en question, moi j'interprète ça comme une interdiction pratique de prêcher l'évangile. Voilà. Si vous prêchez l'évangile sur ce sujet-là par rapport à une femme qui est en détresse, voilà, bah écoutez, 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, vous pouvez aller en tôle, voilà, prêcher l'évangile peut amener à la tôle. Voilà. Ça me permet de faire un lien, là, je suis très heureux de faire ce lien, je suis très très heureux par rapport au Royaume-Uni. Il y a un événement qui vient de se passer, qui a été mis en ligne par le site que l'on salue, Démocratie Participative, avec une femme qui est présente dans la rue, seule, hein, au Royaume-Uni, en face d'une clinique qui tue des enfants, quoi, en fait. Une clinique qui pratique spécifiquement les avortements. Elle est toute seule. Il y a un flic qui arrive, un flic britannique, et qui lui pose la question. Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous êtes en train de manifester? La femme répond, non, je suis toute seule, je suis pas en train de manifester. Je vais vous passer l'extrait qui sera en langue anglaise, mais ça sera très, très compréhensible. Hein. Il s'exprime dans un anglais absolument parfait, d'accord? Et finalement, il lui pose la question, mais vous êtes en train de prier dans votre tête, peut-être, là? Et la femme dit, bah, peut-être que je prie dans ma tête, là, c'est... voilà. Voulez-vous nous accompagner au poste? Non. Bah, vous êtes quand même en état d'arrestation, voilà. Parce que peut-être vous êtes en train de prier dans votre tête, d'accord? Donc vous êtes en état d'arrestation parce que c'est interdit, vous rendez compte, il y a une femme qui pourrait passer là et puis changer d'avis parce que vous priez dans votre tête, voilà. On est encore plus loin que ce qu'écrivait Eric Blair sous le pseudonyme de George Orwell dans 1984. C'est-à-dire que dans 1984, les gens, ils avaient quand même le droit de penser un peu ce qu'ils voulaient, quoi. On leur faisait un peu de la manipulation pour, bien sûr, leur introduire un tas de biais cognitifs, d'accord? Mais en tout cas, ils n'allaient pas en taule parce qu'ils pensaient, d'accord? Même s'ils pensaient mal. Et là, là, c'est pire. Voilà. Vous êtes peut-être en train de prier dans votre tête, madame. Vous êtes en état d'arrestation. What are you here for today? Physically, I'm just standing here. Okay. Why here, of all places? I know you don't live nearby. But this is an abortion center. Okay, that's why you're standing here. Is you standing here part of the protest? No. I'm not protesting. Are you praying? I might be praying in my head. So I'll ask you once more, will you voluntarily come with us now to the police station for me to ask you some questions about today and other days where there are allegations that you've broken public space of protection? If I've got a choice, then no. Okay, well then, you're under arrest. Je sais pas ce qui va se passer pour cette dame en question. À mon avis, ça tiendra pas la route d'un point de vue juridique. Je connais bien sûr absolument pas la loi britannique sur le sujet. Je sais que ça existe dans d'autres pays. Souvent, c'est des pays qui sont influencés par la culture anglo-saxonne. Ça n'existe pas aux États-Unis, tant mieux. Ça existe en Irlande, pas l'Irlande du Nord, hein, britannique, l'Irlande, la République d'Irlande, où il y a une interdiction de manifester, je crois que c'est 15 km autour des cliniques avorteuses, un truc comme ça. Avorteuses, pardon. C'est de la démence, c'est de la démence. Ce qui prouve néanmoins que nos ennemis croient à la force de la prière, en fait. Tu vois, parce que là, c'est vraiment le but, c'est d'empêcher cette pauvre femme de prier. Donc bon, c'est vraiment encore une preuve concrète que nos ennemis croient à la force, aux forces surnaturelles, en tout cas. Bref, tout ça pour dire, bah écoutez, moi je compte pas, en titre personnel, je compte pas sous Marine Le Pen pour établir une contre-révolution, d'accord ? Je pense que ça fait plusieurs décennies qu'on est tous arrivés à la même conclusion. Marine Le Pen, en fait, qu'est-ce qu'elle veut, Marine Le Pen? Marine Le Pen, elle veut pas de vagues. D'accord, c'est tout ce qu'elle veut. C'est ça son idéologie. C'est foutez-moi la paix. À la limite, si vous me donnez 5000 euros par mois, je veux bien me retirer de la vie politique. Ça me permettra d'aller au PMU tous les jours. 5000 euros de croquettes pour chat. Voilà, et 1000 euros de croquettes pour chat et puis peut-être 4000 euros de Ricard. Voilà. En fait, c'est ça Marine Le Pen, je pense. Hein. Elle est au PMU, d'accord. Donc, sa main droite est occupée à se gratter sa vulve poilue et sa main gauche tient un verre de Ricard. Elle se dit, bon, tous les 5 ans, je dois faire une apparition publique. Okay. Bonjour les gens, c'est moi. Alors, il faut voter. Hein. Il faut voter pour le remplacement national parce que, vous rendez compte, je m'appelle Le Pen. Donc, c'est moi, hein, voilà. J'existe, tout ça, voter, ouais, c'est bien, ouais, la France, tout ça, merci. Hop, à dans 5 ans, voilà. Et puis en attendant, de temps en temps, elle fait des petites sorties pour sur TikTok pour parler de ses chats et puis pour dire que l'avortement, très bien. Voilà. Alors, si je peux me permettre, effectivement, si tu t'attends à ce que Marine Le Pen fasse une révolution ou une contre-révolution, t'es forcément déçu. Mais je dirais que c'est même pas ce qu'espèrent les nationalistes qui radicaux qui votent pour elle. La plupart veulent un peu diminuer le grand remplacement ou marquer des ruptures, déplacer un peu le curseur de ce qu'on a le droit de dire. Mais en réalité, même en s'attendant qu'à ça, on est quand même déçu. Comme disait l'autre, même je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Je veux dire, j'aurais bien aimé que, par exemple, Marine Le Pen passe au second tour des élections présidentielles et gagne le second tour. Donc, elle a passé le second tour, mais elle n'a pas gagné le second tour. Mais pas pour le programme politique du Rassemblement national. Simplement parce que ça aurait un peu rebattu les cartes, ça aurait un peu foutu la merde. Et vu que, de toute façon, le point de vue politique me paraît complètement bouché, je me suis dit, bon, on n'a rien à perdre. Allons-y, quoi. J'ai mes deux doses, donc et puis s'il faut passer par ce pass sanitaire, moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français, allons-y, quoi. S'il faut passer par le pass sanitaire pour enrayer l'épidémie, allons-y, quoi. J'ai pas vraiment de choses à rajouter sur le sujet de Marine Le Pen, à part que, ouais, effectivement, elle serait peut-être passée au pouvoir, on aurait pu avoir des camarades aux échelons locaux, du coup, qui auraient pu prendre un peu plus de pouvoir, voilà, dans les villes, villages, communes, et ça aurait, pour le coup, là, ça aurait pu changer quelque chose. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, j'attends rien du tout de la tête de ces partis, mais plutôt de la base, quoi. Voilà. Rien d'autre à ajouter. On peut effectivement espérer que Marine Le Pen permette à des jeunes cadres de chez nous de prendre des responsabilités et du poids au niveau local. Le problème, c'est l'effet de conformisme qui a un gros appareil comme le Rassemblement National sur ces éléments. Et alors, il y a des gens comme Benedetti ou Gabriac qui sont restés intègres en étant UFN de l'époque. Mais il y a beaucoup de gens qui sont aussi changés par l'appartenance à ces mouvements et qui se libéralisent. Surtout cette question précise de l'avortement, d'ailleurs. Des gens qui... en fait, ils font un calcul mathématique, parce que la démocratie, c'est ça. C'est bon, 95% des votants vont être choqués si jamais je leur dis que je suis contre l'avortement. Bon, allez, on laisse passer ça. Voilà. Petit à petit, on se fait bouffer par le système, et à la fin, on devient... c'est un danger de l'entrisme. On devient peut-être un élément passif du système, sans s'en rendre compte. Il faut à la limite que des gros mouvements électoralistes aient un porte-voix en participant à des élections, et en ayant un discours assez radical, qui n'aurait pas grand-chose, mais il servirait de relais à d'autres initiatives. Le problème, c'est que ces initiatives, elles sont décriées par ces mêmes mouvements dont on parle. Le Rassemblement National est le premier à taper sur les groupuscules parce qu'il a besoin de donner des gages au système, parce que lui, il joue à fond, justement, la carte de la mondanité et du fait de bien présenter. Après toutes ces années de vie publique politique, Marine Le Pen n'a toujours pas compris que c'était pas elle qui décidait qui était acceptable, républicain, etc. Mais ce sont ses ennemis politiques. C'est-à-dire qu'elle s'appelle Le Pen. Donc elle se dit, bon, j'ai des choses à me faire pardonner. Je vais en faire des tonnes. Et puis, elle en fait des tonnes. D'accord? Et elle se dit, bon, du coup, si je lâche un peu de lest, on va finir par me foutre la paix. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est tu lâches du lest, tes ennemis politiques, ils voient ça comme un aveu de faiblesse, et ils t'en demandent toujours plus. Voilà. Donc Marine, ça fait combien de temps maintenant que tu dis que t'es pas raciste, antisémite, etc. Mais c'est pas toi qui décide, c'est pas toi. T'es toujours considéré comme une ignoble fasciste, etc. Faut faire le fond républicain. Les gens au pouvoir, ce sont eux qui décident si t'es raciste ou antisémite, d'accord ? Quelque part, j'ai même envie de dire, je le paraphrase un peu le bouquin de l'abbé Rioux, les juifs, selon ce qui leur plaise ou ce qui leur déplaise, décident de ce qui est antisémite ou de ce qui ne l'est pas. Voilà. Écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait le tour. Merci pour votre temps. Je voulais simplement faire un petit rappel amical. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur Gab. N'hésitez pas à nous suivre sur Gab. Je rappelle le nom du compte Oremus officiel. Vous nous trouverez facilement. Vous partagez en prenant des précautions, VPN, tout ça. Vous partagez à vos amis, sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous pouvez. Il n'y a pas de droit d'auteur. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez en plus nous créditer, tant mieux. On va compter énormément sur vous, en fait, par rapport à un élément primordial, c'est que c'est la première émission, d'accord ? On va essayer d'en sortir un tous les mois. Si la première émission marche du feu de Dieu, eh ben on en sortira d'autres. Donc, en fait, vous avez les cartes entre vos mains. C'est vous qui décidez. On compte énormément sur vous et on vous remercie d'avance. Une petite musique pour finir tout ça et je vous dis donc au mois prochain. Au revoir à tous et merci de nous avoir écoutés pour cette première émission qui n'était pas forcément facile pour nous vu qu'on n'est pas des habitués du micro ou voilà, de parler de cette manière. Au revoir à tous. Thank you.